Hello. I have a new guitar. Le pied, putain, une gratte géniale. C'est une lag. Salut, Ton. J'ai essayé des dizaines et des dizaines de guitares avant de me jeter dessus. Je croyais que c'était de la merde, lag. Eh ben, putain. Chapeau, finition fabuleuse. Je suis sur le cul, hein, vraiment. Hein. Vraiment extraordinaire. Puis une facilité de jeu. Et alors le fini, tu prends le manche. C'est comme si tu essayes un piano, Ton, et puis tu as les touches qui accrochent. Là, il n'y a rien, tout passe. Le son est un peu spécial en électroacoustique. Il faut s'y habituer, mais c'est très bien. C'est justement ce que je cherchais, c'est avoir un deuxième son. C'est-à-dire que lorsque je fais mes enregistrements, quand tu le fais avec deux sons de la même guitare, t'as les fréquences qui chevauchent et c'est pas évident, c'est pas joli. Tandis que là, avec une deuxième guitare vraiment acoustique, ça fait un autre son. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais enfin. tu regardes des guitares. Écoute, j'ai essayé les trois premiers modèles de chez Martin. Ah, ils se les gardent. Hein. Pas fini, mais dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse. Et j'étais prêt à y mettre le prix. Le pire que j'ai essayé, pourtant j'étais parti avec une idée fixe, c'était Seagull. Pour moi, c'était de la super guitare. Eh ben putain, la super merde, oui. Mal fini, ça sonne comme des gamelles, c'est léger, il n'y a pas de bois, il n'y a rien du tout. Comme quoi, les partis pris, il faut les oublier parfois. Ah ben là, l'axe est français, ça fait plaisir en plus. Et si tu voyais comment c'est fini, putain, c'est, je suis sur le cul. Hein. Vraiment, c'est fabuleux, il n'y a rien qui merde. Je suis allé regarder à l'intérieur, avec, j'ai une glace de dentiste. Et je suis allé voir un peu comment était fait le barrage, comment c'était fignolé. Souvent, c'est dégueulasse dedans. Tu prends une Gibson acoustique, t'as encore les copeaux à l'intérieur. Là, c'est poncé, tout est nickel, vraiment pile poil. Et il la livre avec la pile. Et accordée, on ne l'avait même pas déballée, elle arrivait de l'usine, je l'ai sortie de la boîte, elle était accordée la guitare, comme quoi il les vérifie. Ah oui, non, non, mais attends, ça c'est sûr, hein. J'ai fait l'essai, je m'en suis rendu compte. Puis alors, c'est, la finition, c'est catastrophique. Ils se foutent de la gueule du monde maintenant, ce qui est fait aux US. Ben, y a, sur Zikinf, il y a un mec qui se plaint justement d'une Jaguar. Merde, c'est un. Enfin, un modèle custom, un truc de fou, quoi. À 2 900 €. Le manche, il est vrillé, les cordes, elles partent à côté. C'est une vraie merde, elle est pourrie, sa guitare, il n'arrive même pas à se la faire rembourser. Et il a payé ça presque 3 000 €.